ailleurs. Talking about you using me, but it all depends on what you do. It ain't too bad the way you're using me, 'cause I sure am using you. Goedenavond. Bonsoir. Tous les canards sont à la mare et c'est bien fait pour vous. Nous sommes ensemble jusque 22h. Ouais. Et bonne anif. Ouais, c'est la 300e à ce qui paraît. C'est la 300e. T'as des problèmes de son, c'est de, pas grave. De quelque chose? Non, ça va, ça va. C'est pas assez voilà. Fort. C'est mieux? Voilà. C'est bon. On bricole toujours, hein. 300 émissions donc, et c'est fort bien, ça nous fait bien plaisir. Ouais. Et on espère que ça vous fait plaisir aussi. On démarrait avec Al Jarreau, qui est un artiste américain qui était né dans le Wisconsin dans les années 40, hein, début des années 40, et qui est décédé dimanche dernier. Et donc, on vous l'avait dit, on avait passé ça, mais on n'avait pas Al Jarreau sous la main. Al Jarreau, qui est un des rares artistes, si pas le seul, me semble-t-il, à avoir ramassé des Grammy Awards dans 3 catégories différentes pour des albums de jazz, de pop, de rhythm and blues, enfin ou de soul, je sais plus, mais voilà. Et 40 ans de carrière, quoi. Ouais. Bon, bien. Et le Use Me, c'est une reprise de Bill Withers sur un album qui s'appelle Inspiration by Bill Withers, un truc comme ça, qui sortait au début des années 2000, où après le célébrissime Ain't No Sunshine, il y a aussi ce Use Me qui est très très bien, qui figure sur cet album. Là, voilà. Alors au programme ce soir... L'album de la semaine. Mm-hmm, la review de Korenko. Le fil rouge. Vie. Dire un petit archive de vinyle qui craque, hein. Ben ouais, comme souvent. C'est pas une petite ce coup-ci. Mais ça sera du vinyle qui craque. D'accord. Bon. Books on the radio. Ouais, et puis une archive du dimanche pour un film du dimanche. Je vous en dis pas plus. Uh-huh. Ben ouais, bah écoute, on en reste là-dessus, quoi. Tu vois quoi? D'accord. Allez, c'est parti. L'ironie du primate, humour Louis-Philippard, le sarcasme prud'homesque. Monsieur Naudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, mais vos opinions sur la musique... Qu'est-ce qu'il me fait, là? En général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. Album de la semaine, donc on va partir chez les fameux Ponyhawks, qui on en avait parlé la semaine passée. Voilà, avec leur dernier album Tropical Suite. Pourquoi Ponyhawks? Parce que ça fait bizarre quand même de se dire que. Mais pourquoi Ponyhawks? Un album de la semaine, c'est Ponyhawks. Ouais. 4 ans après leur dernier album, ils ont bien évolué, les petits gars. Mm-hmm. Les petits français qui nous faisaient un peu de la pop... À la Tahiti 80, là. C'est ça. C'est ça. Allez, c'est leur quatrième album. Vie. Ponyhawks, donc formé en 2001, mm-hmm. à l'initiative de Laurent Bardain, qui est saxophoniste, claviériste et compositeur du groupe. Mmh. Et Ponyhawks, ils s'appelaient au tout début de leur carrière le Crépuscule. Ouais. Voilà. Et ils se font repérer en 2006. Et ils signent chez un label qui s'appelle Tiger Sushi. Mmh. Et ils sortent deux morceaux qui feront un peu le tour du monde. She's on the Radio et surtout Budapest. Mmh. Qui sera leur gros succès. Ouais. Quand même. Ça a tourné partout, ça. Ouais. Ça a tourné partout. un peu partout. Ouais. Pas ici, mais ça a tourné partout. Donc, premier album sorti en 2006, album éponyme. Et ensuite, en 2008, ils sortiront Images of Sigrid. Ouais. Qui est un album qui est vraiment dédié à Sigrid. Ouais. Qui existe vraiment. Bon. Voilà, qui est une actrice en fait. D'accord. Française. Mm-hmm. Et ce sera leur muse durant tout cet album. D'accord. Actrice, mais on ne sait pas trop d'où elle vient, ni sa relation avec le groupe. Un album un peu mystérieux. La maman de quelqu'un. Je ne sais pas. Peut-être. La grande sœur. Je va possible. Savoir. Va savoir. Elle est premier extrait pour cet album. Mm-hmm. C'est le morceau qui ouvre l'album, Pony Hooks, et on va écouter Everything Is Real. Extrait du dernier album de Pony Hooks, Tropical Suite, et donc album de la semaine. Un petit peu surprenant quand même. Hein. Ouais, hein. Venant d'eux, c'est assez surprenant. Ça va aller. Ouais, ça va aller. Alors au chant, on retrouve Nicolas Kerr, qui est en fait cambodgien. Ouais. Réellement. Si, si. Voilà. Et Khmer Rouge, exactement. Ouais. Et qui est né vraiment au Cambodge, et qui a dû fuir le pays en fait. Et qui est souvent à 4 grammes aussi. C'est possible, ouais. Qui a dû fuir le pays à ses 5 ans. Ouais. Puisque c'était l'époque de la dictature et de Pol Pot notamment. Mm-hmm. Et toute sa famille a été décimée en fait par la dictature et elle a dû fuir en France avec sa petite sœur. D'accord. Voilà, donc il y a toute une histoire derrière. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, ils ont eu la chance d'aller en concert au Cambodge. Ah ouais, ça et revenir sur ses terres. Là, ça a dû faire quelque chose. Je pense bien, oui. Parce qu'il n'osait pas trop retourner, mais... Mais voilà. D'accord. Bon, Nicolas Kerr qui... c'est encore des choses à dire, mais qui a fait un album avec Ariel Dombal. Hein. Tout à fait. C'est ça que je dis qu'il est souvent... Enfin, peut-être à 4 grammes parce qu'il doit passer à la télé. Ça, c'est possible. C'est peut-être ça, ouais. Il était dans un état... Ou à 4 grammes pour faire un album avec Ariel Dombal. C'est selon. Il était dans un état... C'est vrai qu'il n'était pas très... J'ai rarement vu une interview qui dérape comme ça. Enfin, elle n'a pas dérapé en plus, c'est ça qui est chouette. Mais un gars qui est aussi constant dans ses propos éthyliques. C'était vraiment fort. C'est vrai. D'ailleurs, l'album a l'air pas mal du tout. Ouais, ouais. Revenons sur ce disque. Bon, rien à voir avec son état éthylique. Rien du tout. Non. Non, quand même pas. Allez, dernier extrait, deuxième extrait. Ouais, ouais. T'avances d'une heure. Oh là là, ouais. C'est pas grave, c'est la fin de semaine ou le début. C'est le début. C'est selon. C'est selon. Allez, deuxième extrait pour ce soir. On va écouter The Gun, Pony Hooks. Shutting down the blanket screen, landing in the party. Look you kids with your vintage music coming through satellites while cruising. You're part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough just to make you feel crazy. Nouveau. Bah ouais, parce que c'est nouveau. Alors enfin, ça, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. C'est sorti, en tout cas dans ma boîte mail hier aux alentours de 18h. Ah bah voilà. Et ça vaut ce que ça vaut pour du nouveau. Voilà. C'est-à-dire, mais encore. C'est-à-dire que là, comme ça, d'un premier abord, j'ai pas en pensé grand-chose de positif. Mais c'est donc Love, nouveau titre pour Lana Del Rey, qui annonce un nouvel album. Et je lisais ce matin sur un magazine, un webzine américain, qu'elle a pensé cet album volontairement pour ses fans. Autant les autres albums, elle le pensait comme elle le pensait, mais sans forcément avoir une idée pour ou vers ses fans, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Autant ici, elle l'a pensé pour ses fans. Et là, je me dis, c'est absolument le début de la fin pour Lana Del Rey. Peut-être. 2017, c'est la, fin de, sa, c'est la fin de sa carrière. Ouais. Ben si, à partir du moment où tu veux faire plaisir. D'un côté, elle avait déjà déclaré « je fais deux albums, après j'arrête ». C'est vrai voilà. qu'elle n'est pas une cornichonnerie près dans les déclarations. C'est ça. Ça, il faut être honnête. Il a un peu d'avance. Un petit peu, ouais. Allez, fil rouge. Oui. On continue toujours avec David Bowie. Nous sommes en 1995. David. Et il se rabiboche avec Brian Eno. Mm-hmm. Et il sortira Outside. Ah, quand même. Voilà, je savais que ça allait te faire plaisir. Ah bah ouais. Outside qui sera très critiqué. Ouais. Mais qui ramènera quand même un Outside Tour. Absolument. Avec en première partie un certain groupe qui s'appelle Nine Inch Nails. Par exemple. Il y a pire pour faire une tournée quand même. Ouais. En 1996, David Bowie sera introduit au Rock and Roll Hall of Fame. Ouais. Et en 1997, c'est l'année de ses 50 ans. Ouais. Et il donnera un énorme concert au Madison Square Garden Terrible. De New York, avec notamment... Les Pixies, ouais. The Cure, ouais. Placebo. Robert Smith. Non. Ouais, Placebo. Non. Non ? Ah non. Ah non, ils reprennent un Placebo avec... Ah ouais, tout à fait. Ouais. Je sais plus qui. Il y a un autre groupe que t'adores qui était là. Un autre groupe que j'adore qui était Par les Pixies. Ouais, ouais, non, j'ai dit les Pixies. Hein. Ouais, à part les Pixies. À part les Pixies. Sonic Youth. Ouais, Sonic Youth, ouais. Voilà, les Foo Fighters. Ouais. Lou Reed. Et Billy Corgan. Quand même, hein. Ça va, il y a pire. Ouais, ouais. Pour fêter ses 50 ans. Ouais, non, c'était... Un jour, Bowie a déclaré qu'il aurait voulu jouer avec les Pixies et dans les Pixies. C'est incroyable quand même qu'un type comme ça, qui va partout, il y a une histoire là comme ça. Parce que en plus, pour qui visualiser un petit peu, David Bowie d'un côté, Frank Black de l'autre, mais rien à voir quoi. Rien du tout. Mais rien à voir. Même niveau charisme, rien à voir. En effet. Et inspiration, bon, les petits ovnis et les nonnes... Les nonnes violées, bah, c'est pas trop le truc de Bowie non plus, donc voilà quoi, c'est rien à voir de chez rien à voir. Quoi. En effet. Mais une vraie passion, et je pense passion partagée, hein, ils s'appréciaient beaucoup. Je pense aussi, ouais. Ouais. Je pense aussi. Allez, Outside, qui était logiquement et normalement une première partie d'un triptyque. Oui. D'album qui était en fait une sorte de nouvelle écrite par David Bowie. C'est ça. Et qui parlait de thriller, on va dire ça comme ça, voilà. Un thriller cyberpunk. C'est ça. Allez, extrait de cet album Outside, on va écouter No Control. Oh là là là là. Et ruez-vous sur ce disque, hein. Franchement. Il est excellent. Ruez-vous sur. Ce sera une archive d'un dimanche. Hein. Moi, je vais prolonger le plaisir Bowie avec ce disque. D'accord. Merci pour l'inspiration. Every single the moon's uncertain. Don't tell God your plans, it's all deranged. No control. I shall live my life on bended knee if I can't control my destiny. You've gotta have a scheme, you've gotta have a plan in the world of today for tomorrow's man. No control. Stay away from the future. Don't tell God your plans, it's all deranged. No control. Forbidden worlds deafen me in memory. No control. See how far a sinful man burn his tracks, his blood flows. You gotta have a scheme, you gotta have a plan in the world of today for tomorrow's man. I shall live my life on bended knee if I can't control my destiny. No control. I can't believe I've no control. It's all deranged. I can't believe I've no control. It's all Allez, on est parti avec les news en compagnie de Korenko pour ce qui est quand même belle actu du musique brillante et agitée. Un peu comme chaque dimanche, plus ou moins à la même heure. Ouais, hein. Ouais. Et toujours l'ami Lémi en fond sonore, évidemment. Bah ouais. Pendant un bon moment, me semble-t-il. Bon, ça fait plaisir en tout cas pour les fans du groupe et puis même pour l'ensemble de la carrière un peu chahutée du groupe aussi. Megadeth qui a donc remporté un Grammy Award, c'était la semaine dernière. Megadeth qui sera cette année au Lockersfesten, voilà. Oui. Avec entre autres Marilyn Manson et Alice Cooper. Le dimanche 6 août, le exactement. Le dimanche 6 août, voilà, à la Croix de Caille, hein, comme d'habitude, ça ne change pas. Hein. Non, ils en avaient parlé, mais ils en avaient... c'est pas fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, on parlait des Grammy et c'est clair que Metallica est passé très souvent devant, pas toujours à bon escient. Et donc, pour une fois, c'est bien. Voilà, les frères ennemis, presque sur un pied d'égalité. Arch Enemy qui travaille sur un nouvel opus qui sortira, on ne sait pas trop quand, mais en tout cas qui promet de faire ça pour le tour de l'été, évidemment, puisque les festivals vont battre leur plein, et donc c'est l'occasion jamais quand on a une galette de tourner avec un nouvel opus. Allez, c'est parti. De Dillinger Escape Plan qui annule le reste de sa tournée. Le groupe a eu un accident en Pologne. Le groupe déplore qui ne déplore pas évidemment de blessés, mais en revanche, selon Ben Weyman, le matos lui a complètement été détruit dans l'accident. Et donc le groupe reviendra en Europe évidemment, mais plus de matos, difficile de faire des tournées. Évidemment quoi. Ça on pouvait s'en douter. Thai Artist Murder qui est prêt à enregistrer un nouvel album. Les Australiens sont sur le point d'entrer en studio pour aller procéder à un nouvel opus. Et donc ça viendra très très vite. Ça se remplit beaucoup. Hein. Celestial Bodies. Alors moi j'ai cliqué là-dessus. C'est une vidéo. Ça s'appelle The Final Covenant. Et puis, grande surprise, j'ai cherché des choses autour de Celestial Bodies. Il y a un album qui sort le 17 mars, mais faites attention parce qu'il y a un Celestial Bodies qui existe. Et c'est Ferrugood, je pense, le nom, quelque chose comme ça, qui est le producteur de Major Lazer, qui produit aussi et qui sort des choses sous ce nom-là. Ça n'a rien à voir avec le métal, évidemment. Je me doute bien. Ouais. Voilà. Ça, c'est sûr. Mais essayez de trouver vos noms mieux que ça. On l'a déjà dit plein de fois, mais c'est vrai, quoi. Pense à des gens qui font de la radio, qui doivent faire des recherches, par exemple. Les Français de Eurodivi qui ont mis en ligne un nouvel album sur Bandcamp. L'album s'appelle Afos. Voilà, pour Eurodivi, à découvrir, évidemment, parce qu'on ne connaît pas trop. Holy Gold qui arrive bientôt dans les bacs, ça sera le 17 février, donc au moment où je vous parle, c'est arrivé. C'est le premier album qui s'appelle Feral Children, et le groupe est composé d'anciens membres de Chariot, Normal Jean ou encore Glass Ocean. À mon avis, dans le screamo hardcore, ça doit le faire très très bien, évidemment. Premier album qui arrive aussi pour les Lunatic Power. Obituary qui dévoile un morceau inédit pour le magazine Decider, ça s'appelle No. Bon, ça a le mérite d'être clair, évidemment. Voilà. Et c'est du Obituary, bien évidemment. Hein. Alors, nouvelle guerre, Goat Vermin, les Français qui sont dans un registre plutôt brutal black metal, on va dire ça comme ça, hein, va sortir chez Legion of Death, tant qu'on y est, un opus qui va s'appeler Détruire. Rien que ça. Donc, à mon avis, ami de la poésie, c'est pour vous. Et ils se foulent pas. Hein. C'est bien fou, sûr. De moins en moins, à mon avis. De moins en moins. Evocation pour le titre de Shadow Archetype. Qui devrait sortir en mars prochain. J'y arrive. Pour vous expliquer, mon écran est de plus en plus loin de mon bras. Hein. Donc, pour moi voir défiler les infos, soit tu changes de lunettes, soit tu fais des petites. Des petites circonvolutions. Faut voir. C'est ça. Rival Wizard qui balance aussi un nouveau clip pour le titre Hit the Warlock. Ou encore Is Legend qui sort un tout nouveau morceau. Ça s'appelle Send. Few, qui est l'album à venir, sortira le 28 avril prochain. Voilà pour les news principales chez Korenko. Pas grand chose finalement, on retiendra quand même Megadeth. L'album qui reçoit son Grammy, hein. Moi je trouve ça bien. Et en plus, l'album de Megadeth, dernière sortie en date, est plutôt de bon ton. Donc voilà. Ah bon. Ce qui explique pourquoi ils ont reçu un Grammy. Scornful of Icons, le groupe Phasm, qui pratique aussi du black metal. Voilà, on va rester un petit peu dans cette idée-là. Album qui est enregistré au studio La Forge sur Dombasle-sur-Meurthe, hein, donc c'est en France, et qui me sort chez Osmos Productions, Phasme donc pour l'album Scornful of Icons. C'est le projet de Pierrick Valence, qui était membre du groupe Scarve par exemple. Et puis ça fait 8 ans que sous ce projet-là, il n'y avait pas eu de signe de vie. On est dans quelque chose de très construit, de très riche musicalement. Je pense que dans le genre, en 2016, ça a dû être une plaque très importante, probablement encore à redécouvrir. Phasme, Scornful of Icons, on va écouter de Godless Pop, et l'album avait été chroniqué par Margot. Ouais, parce qu'il y a aussi des filles chez Korenko. Qu'est-ce que vous croyez? Tous les canards vont à la mare. Et c'est bien fait pour vous. RQC. Yeah. Take a bird from the hood. Oh, now. Et quand même. Bah ouais. Wow. Ça c'est fait. Ça c'est fait, ouais. Il y a il y a des bris. Bah oui. Le petit morceau groovy. Ouais. En hommage également à Al Jarreau, extrait de son album Breaking Away, qui est son album le plus populaire. C'est ça. Ça comme ça. Absolument. Sorti en 1981, on écoutait Roof Garden. Comme ça, vous êtes sûr qu'on ne communique pas entre nous pour préparer l'émission. C'est vrai. Et c'est vrai que, enfin, on comprend mieux hein, quand on écoute ça, l'histoire des Grammy et que le gars, 40 ans de carrière est un peu coté partout comme ça, bah ouais, forcément, il n'y a pas de hasard, quoi. Non, mais... Un vrai talent. Ouais. Un vrai talent. Pas partout, quand même. Ah, il y a eu de la soupe, hein. Et des sucreries. Beaucoup, quand même. De la soupe et des sucreries. Quand même beaucoup. Mais du talent, quand même. Mais oui. Bon. Allez, un petit vinyle qui craque. Allons-y. Je vais attendre le bras. Bon, on va revenir sur... Alors, pourquoi je vais vous parler de ça? Bah, parce que le groupe s'appelle La Muerte. Bon, jusque-là, ça va. Et certains voilà. Diront encore. Encore, La Muerte. Album qui était enregistré la Rockbox et enregistré à Liège et produit par la RTBF de Liège. Déjà, ça, c'est drôle. Je trouve. Ouais, la RTBF a parfois produit de la musique et notamment La Muerte. C'est pas vraiment un album, c'est un espèce d'hybride et c'est pour ça qu'on en parle parce que l'objet est intéressant d'un point de vue technique déjà. Voilà. Mm-hmm. Puisque il y a une face, c'est le vinyle évidemment, il y a une face qui se joue en 33 tours. Ouais. Et la face B qui se joue en 45 tours. Pourquoi pas ? Voilà. Ça s'appelle Peep Show. La face A, c'est un live avec 4 titres en live. 97.6, 26.26, Evil Line, Motor Gang, Blues Heaven or Hell. Voilà, ça c'est pour les titres. Et la face B en 45 tours, c'est la fameuse reprise de Lucifer Sam de Pink Floyd qu'on a déjà passé ici. Tout à fait. Voilà. Et puis bah, eux, ils sortent ça, me semble-t-il, en 1986. Donc voilà, hein, c'est quand même. Ça date un petit peu. Quand même. Ça a fait son temps. Ça sort chez un label qui s'appelle Soundwork. Et c'est tout à fait particulier, évidemment, comme démarche de sortir et un live et un 45 tours en même temps. C'est pour ça que je vous en parlais. Pour le côté un petit peu inédit de la chose. Et le fait que ça soit la RTBF Liège qui s'est occupé de ça, moi, ça me fait beaucoup marrer. Bah écoute. Du temps, le service public pouvait faire du service public, par exemple. Vraiment du service public, tu veux dire. Vraiment du service public. C'est clair que, bon, des Cybell Music Awards, c'est autre chose. Ouais, après, c'est, bon, bah... C'est voilà. Bien, hein, c'est bien, mais c'est autre chose. Disons bon. Qu'ils vont pas chercher très loin. Voilà, et là, ils allaient franchement chercher loin, il y a 30 ans de ça, bon, ben voilà. Allez, La Muerte, ben, on va se référer au Peep Show, mais la version live, voilà. Et du live, on va écouter Motor Gang, La Muerte. We'll be right back. c'est le dimanche 2 avril que se déroulera à partir de 11h dans la salle bleue du Centre Expo, rue de Menin 475 à Moucron, l'apéritif repas annuel de RQC Radio Kichifel. Au menu, apéritif offert, cochon à la broche, pommes de terre rissolées, 10 sortes de légumes, pain, sauce. Le prix est fixé à 17€ pour les adultes et 10€ pour les enfants de moins de 12 ans. À l'achat de tickets, un café gourmand vous sera proposé pour accompagner votre repas. Une tombola est organisée et le premier prix est un smartphone Galaxy Gold. Attention, ce repas se fait uniquement sur réservation, soit au local de la radio de A rue Roger Salengro, anciennement place de l'Ours, face au centre Marius Taquet. Ou par téléphone au 0479 09 70 52. Et depuis la France, 0032 479 09 70 52. Ou au 056 34 07 83. Depuis la France, 0032 56 34 07 83. Nous vous espérons nombreux, comme chaque année, à venir soutenir la dernière radio libre de la région de Moucron. Allez, un petit peu d'autopromotion. Pourquoi pas? Ça fait pas de mal. Et donc oui, c'est le retour de l'apéro repas pour la radio. Ça va bien se dérouler le 2 avril prochain au Centre Expo à la Salle Bleue à partir de 11h. Bah, toute l'info est dans l'annonce qu'on vient d'entendre. Voilà. C'est 17€. C'est le repas habituel pour les habitués. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est l'occasion ou jamais de venir nous rencontrer. On sera tous là. En non, pleine forme. Ouais. Et puis voilà, l'occasion de venir boire un coup, pourquoi pas, discuter avec nous, discuter des programmes, discuter de, bah tiens, c'est quoi pour vous RQC en 2017? Bref, tout est possible. Et puis manger, c'est bien aussi. Voilà. D'accord. Rendez-vous le 2 avril prochain. One line. One line. A paper. A sound. Books on the Radio. Allez, Books on the Radio, avec un beau pavé. Hein. Tchuss. Il fait plus de 800 pages. Encore pour caler les meubles. Non, quand même. Ah bon, pardon. Non, non. Il s'appelle Je suis celui qui est de Jacques P. Florence. D'accord. Alors, oui. Ça met en situation. Alors la couverture déjà, ça donne un petit signe, puisque on retrouve la fameuse croix pâtée des Templiers. Ah ouais. Voilà. Et la croix rouge. Elle est belle. Hein. Belle couverture. Belle couverture. Bien réussi. Et donc forcément, on parlera des Templiers. Des Templiers. Et des francs-maçons. Et donc de tout l'univers qu'il y a derrière les Templiers et les francs-maçons. Voilà, tout à fait. Alors, il y a un petit chassé-croisé entre le passé et l'année 2007, c'est-à-dire plutôt le présent. Nous sommes en 1295, en Écosse. Ouais. Frère Élion et le chevalier Jehan d'Anthonèse. S'il vous plaît. Templiers de leur état. Ben oui. Voilà, forcément. Sont les seuls survivants d'un massacre commis contre les Templiers. D'accord. Sous l'ordre du roi français Philippe le Bel à l'époque. Et ils sont porteurs surtout d'un grand secret. D'accord. C'est-à-dire la fameuse table de Salomon. Ouais. Ou autrement dit, la pierre templière. Ou autrement dit, le fameux mystère des mystères. Rien que ça. Rien que ça. Ils sont porteurs d'un secret, mais ils vont le transmettre à un autre Templier, ouais, qu'on appelle le Persévérant, Dom Dei de Navarre. S'il vous plaît. Qui est espagnol, forcément. Ouais, on avait compris par son nom. Ça pouvait. Qui est censé cacher, en fait, plusieurs tablettes dans les montagnes. D'accord. Espagnoles. Ok. Les tablettes de plomb. Mm-hmm. Et la fameuse tablette de Salomon. D'accord. La pierre templière. Ah ouais. Donc, s'ensuit un grand, une grande aventure, forcément. Un grand chassé-croisé. Et en 2007... un attentat est perpétué contre la Grande Loge de France, ouais. Donc l'horloge franc-maçonnique. Mmh. Et on soupçonne une sorte de secte, le Néo-Ordo Templi, qui se considère comme les descendants en fait des vrais Templiers. D'accord. Puisqu'il faut savoir que dans les années 1290, les Templiers auront un ordre secret, l'Ordre Noir, qui est un petit groupe de Templiers qui vont s'ouvrir au monde. D'accord. Donc s'ouvrir aux morts, comme on les appelle à l'époque, s'ouvrir aux Juifs, ouais. S'ouvrir aux autres religions que le catholicisme. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Bon. Voilà. Et donc voilà, la Grande Loge est attaquée par ce Néo-Ordo Templi qui est aidé par une secte juive. Ok. Les Béné Elohim. Ouais. Voilà, qui en fait sont deux ordres qui veulent absolument récupérer la pierre templière. Et donc ils pensent que ce sont les francs-maçons qui l'ont. D'accord. Entre leurs mains. Bon. Parce que les francs-maçons descendent de l'ordre noir. De l'ordre noir. Des ouais. Templiers. Voilà. Waouh. Ouais. Alors il y a énormément de petites références bibliographiques. Ouais. Et sa théorie pourrait se tenir. C'est vrai. Parce qu'on ne sait pas ce que contient cette fameuse pierre templière, puisque elle a jamais, enfin, soi-disant, n'a jamais été retrouvée. C'est un récit, mais en même temps, c'est un document, quoi. Ouais, c'est un peu les deux. En fait, il y a toute une chasse, forcément, puisque on va essayer de savoir où est cette fameuse tablette de marbre. Et c'est la CLCS. Ouais. C'est-à-dire la commission de lutte contre les sectes en France, ouais. Qui va engager Rémy d'Aigremont, ouais. Puisqu'il est descendant en fait de la lignée de Jehan d'Anthenèse, ouais. Oui. Et qui est franc-maçon, voilà. Bon. Et donc ils vont l'engager pour retrouver cette fameuse pierre. D'accord. Et parce que lui a des bouquins qui viennent de Belgique, en fait. Comme ça s'est fait. C'était pour passer le petit message. qui date du début du XXe siècle, 1907-1915. Ouais. Et qui soutiennent la thèse qu'en fait, le fameux temple de Salomon, temple d'or magnifique, d'où les Juifs sont logiquement descendants, ouais. Ne se trouve pas du tout à Israël. Et bam. Et se trouve bel et bien en Espagne. Et rebam. Et donc forcément, si cette table et si cette pierre se trouve dans les mauvaises mains, ah bah ouais. Imaginez la suite. Ah ouais, ouais. Bah la Palestine, il va être content tout d'un coup. C'est ça. Il y a plein de gens qui seraient contents. Je dis, ouais, non, moi, plein de peuples. Ouais, non, j'écoute ça là. Enfin, ça a l'air hallucinant comme récit. Hein. C'est énorme. Ça a l'air franchement énorme. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'en sais rien. Franchement, ah bah ouais, bon, c'est voilà. Difficile de c'est, voir le c'est vrai roman, du faux. C'est document, c'est pas trop. Il y a plein de documents, il y a une bibliographie à la fin qui se réfère vraiment de vrais ouvrages. Ouais. Et il y a beaucoup de choses en fait qui dit dedans, puisqu'on a dit que le temple de Salomon, par exemple, avait été construit dans une cité abondante. Ouais. L'abondance, que ce soit des matériaux, des animaux, la faune et la flore, en gros. C'est ça. Et qu'à l'époque, Israël, la Palestine, c'était un désert. Ben ouais, ouais. On a bâti sur du sable. Hein. Voilà. On a bâti sur du sable. Alors comment... pour ceux qui se posent des questions voilà, géopolitiques, on rappelle qu'on a bâti sur du sable. C'est ça, tout à fait. Et comment Salomon aurait-il pu avoir autant de matériaux et autant de ressources sous la main, ouais, en venant, en allant en Israël ou en Palestine et en bâtissant sur du sable. C'est ça. Waouh. Bon, Jacques P. Florence, jamais entendu parler de cet auteur. Non, pas du tout, moi non plus. Alors, est-ce que ça serait, par exemple, un pseudo pour quelqu'un de plus connu, Genre, je sais pas moi, un chercheur, un politique, pourquoi pas, hein, quelqu'un d'engagé, de la vie civile, qui connaît des choses ou... Mais je pense que c'est un franc-maçon déjà. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Bah, voilà, on sent que le gars il est quand même rentré dans une loge et il a quand même participé apparemment à des réunions de francs-maçons. D'accord. Est-ce qui que... sont plutôt fermés à la base. Donc, ouais, et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un béaba du le petit franc-maçon pour les nuls pour comprendre c'est quoi une fois pour toutes la franc-maçonnerie? Il y a en fait au début avec Rémi d'Aigremont, bah, il explique comment il est rentré à la franc-maçonnerie. Ouais. Donc il y a quand même des petites bases à savoir. Mais voilà, franc-maçonnerie, bah, c'est souvent quelqu'un qui est déjà franc-maçon, ouais, ouais, qui va te parrainer pour rentrer en franc-maçonnerie. C'est ça. Voilà, et c'est par tes actes que tu vas prouver que tu peux être franc-maçon. Et on sait toujours pas... C'est dingue, hein. Moi, ce mystère comme ça depuis... Pourtant, il parle et tout, hein. Alors on en connaît, hein. Bon voilà, dans les politiques, je sais pas, Louis Michel, ben voilà, c'est connu, c'est notoriété, Hervé Asquin aussi... Dans les médias, un journaliste comme Eddie Kakelberg, par exemple. Voilà. Il y a des gens quand même connus, ouais, où il y a une... voilà. Et en même temps, on ne sait pas. Ah non, mais voilà, c'est un truc de malade, quand même. C'est assez bizarre, parce qu'il y a, bah voilà, il y a un libraire qui est franc-maçon, qui participe aux réunions, qui habite juste devant la Grande Loge de France. Il y a Rémi d'Aigremont, qui est simplement... enfin, simplement non, mais il est directeur d'une agence publicitaire, enfin... Voilà, et il n'y a pas énormément de politique finalement. Bon. Comme on pourrait le croire, il n'y en a pas énormément, il n'y en a pas tant que ça. Je suis celui qui est Jack P. Florence. Alors ça fait, ouais, c'est vrai que ça fait les 800 pages, on les voit bien sur la table, ouais, là. Ça prend bien de la place. La couverture est magnifique. Ouais, hein. Enfin, en tout cas, ce qui est choisi pour faire la couverture, c'est très parlant et c'est magnifique. Le récit a l'air complètement fou, quoi. Il est énorme. Il a l'air complètement fou. Si vous voulez une petite histoire de la franc-maçonnerie et des Templiers, ouais, foncez dessus, parce que enfin il y a pas la genèse des Templiers, mais il y a une grosse partie qui arrive en fait à la fin des Templiers justement, mmh, puisque les Templiers vont soi-disant disparaître, en fait ce seront les francs-maçons qui prendront. Et donc l'ordre noir qui prendra la succession des Templiers. Ouais, ouais. Mais franchement c'est super intéressant à lire. Et très, très historique. Bon, allez, grand conseil lecture là. Ouais, si vous avez le courage de lire 800 pages. Et ça sortait quand? L'année passée, en 2016. 2016 et sur... Mais c'est France Loisir, figure-toi. Comme allez. Quoi, des fois. Ben ouais. Ils sortent pas des trucs tout le temps. Voilà. Ils étaient à Rennes, pas plus tard qu'hier, dans une salle ou un bar qui s'appelle le Barrick. C'est rigolo, bar comme bar, hic, H-I-C, pour un concert organisé par nos amis de radio de Cafioul, Kérosène, voilà, qui faisait jouer le retour d'une grande dame de l'indie pop américaine qui s'appelle Talia Zedek, qui avait sorti des albums vraiment intéressants sous le nom de Com. Ça, c'était dans les années 90, et puis qui revient avec un groupe qui s'appelle A Band Called E. Un groupe appelé E. Bon, on ne sait pas pourquoi E. Il y a quelques titres épars comme ça. Il y a un album éponyme qui est sorti en novembre 2016. Et cet après-midi, sur leur site internet, il y a eu Dark Times qui a été posté. Mm-hmm. On écoute donc Dark Times, qui ne figure pas sur l'album. Ben Cold E, à suivre de très très près. C'est très très bon, vraiment. Dark times, my boy, dark times. Dark times. Dark times, my boy, dark times. Please, please. Delicately speak. Thank you. Allez, suite et fin de l'album de la semaine, toujours avec Ponyhawks et son album Tropical Suite. Mm-hmm. Alors, à savoir qu'ils ne seront pas en concert près de chez nous pour l'instant. D'accord. Voilà, ils font une petite tournée en France, Marseille, Bastia, Paris. Ouais. Mais pas encore par chez nous. Non, mais bon, ça c'est pour les festivals. Ponyhawks à Dour. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pas de trop de problème, à mon avis. Ça va être calé, ça. À mon avis aussi. À savoir aussi que Ponyhawks avait un peu défrayé la chronique avec un clip qui s'appelle Antibodies. Oui. Voilà. Ah oui. Ouais, clip créé par Dana Kill. C'est ça. Voilà. Donc si vous voulez aller le voir, allez le voir sur YouTube. À mon avis, il y a moyen de retrouver ça. Vimeo, je pense. Il est même plus sur YouTube. Sérieux? Je n'ai pas demandé. Je pense qu'il faut aller chercher ça sur Vimeo. Ouais. Donc allez le voir. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, enfin... personnage quand même, Nicolas Kerr là. Quand même. Et Nicolas Kerr, alors si vous recherchez un petit peu dans les archives, vous voulez connaître un petit peu plus le bonhomme, passionnante rencontre avec interview, enfin, c'est 24 heures, le sujet s'appelle 24 heures avec Nicolas Kerr, et c'est Gonzaï qui a sorti ça pour son numéro, je sais plus combien, un numéro l'année passée, en 2016, et ça vaut son pesant de cacahuètes. J'imagine bien. Vraiment un personnage. À fond. Vraiment un personnage à suivre. Ça m'étonne pas que Ponyhawks sorte un album comme ça maintenant. En fait. Ben allez, ouais. Dernier extrait pour cet album Tropical Suite, ouais. Ponyhawks. On va écouter I Never Knew You Were You. What you want from Street Fighter View? The one. Parce que j'aime autant vous dire que pour moi, Monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manche en simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-selle. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Satan, Satan, Satan, Satan. Bienvenue pour l'archive du dimanche, pour un film du dimanche. Bah une fois n'est pas coutume, bah ouais, c'est pas parce que c'est à 300e qu'on va toujours faire des efforts, et donc là je vous avoue, je fais pas trop d'efforts. T'as pas réfléchi longtemps. Si, ça par contre j'y réfléchis longtemps, en fait. J'y réfléchis longtemps. Pour une fois on va s'attaquer à une BO de film, si vous avez connu les années 90, même avant ça, mais particulièrement les années 90, c'est une décennie où les BO ont pris une importance de malade dans les films. Ouais. Au point que, avec le temps, on se souvient parfois bien des BO, genre Pulp Fiction. Là, c'est les deux, hein. Film et BO. Ouais. Mais De Crow aussi. Voilà, De Crow. Bah voilà, on se souvient parfois bien mieux des BO que du film. De Crow et Pulp Fiction, c'est des mauvais exemples parce qu'on se souvient bien des deux. C'est ça. Mais par contre, on a fait des mauvais films, donc des suites à De Crow avec des bonnes BO, alors que c'est les vrai. Films étaient mauvais. C'est vrai. Voilà, preuve pour bien dire que. Voilà. On peut parler de Johnny Mnemonic aussi avec Keanu Reeves, qui est un film un petit peu bizarre, mais la BO elle est super solide. Judgment Night. Judgment Night, Stranger Things, etc. Enfin, plusieurs qui sont rentrés dans ce moule-là. Et on se retrouve en 1997. Donc il y a 20 ans, enfin il y aura 20 ans puisque le film est sorti en septembre 97, on prend un petit peu d'avance sur le calendrier. Et il y a 20 ans sortait cette BO donc pour le film Spawn. Alors Spawn, très rapidement, c'est un personnage, un comics issu d'un comics américain, créé par un dissident de chez Marvel, Todd McFarlane, qui va sortir ça chez Image, qui est soi-disant une maison qui va concurrencer les Marvel. Oh. Lol. On n'a pas toujours les sous là où il faut, mais le personnage est vraiment atypique, un mix improbable entre Spider-Man et Batman. Ouais. Voilà, plus antinomique que ces personnages de super-héros, ça n'existe pas. On rajoute une touche de Doctor Strange pour le côté un petit peu mystique, et puis on obtient cette créature personnage super-héros un peu bizarre qui s'appelle Spawn, qui va donc exister en film. Ouais, non, c'est la totale. Qui va donc exister en film. Le film est une sombre bouse, avec quelques moments d'éclat quand même. Il reflète pas trop bien le comics, sauf le temps du teaser. Donc si vous allez sur YouTube, vous regardez le teaser, vous avez les meilleurs moments du film. Regardez pas le film, regardez juste le teaser. Mais donc, ouais, il y a des moments de bravoure comme ça, un petit peu clippé et bien filmé, mais sinon le film en lui-même est quand même une sombre bouse, il faut bien le reconnaître. Par contre, la BO a ceci de particulier que elle arrive soit trop tôt, soit trop tard. Je m'explique. La BO, alors tu parlais de Judgment Night, ben effectivement Judgment Night c'était la rencontre improbable entre le monde du hip-hop et l'indie, on va dire ça c'est comme ça, ouais. L'indie, le métal, hein. Des Booyah Tribe avec Face No More par exemple, Public Enemy et Sonic, et non Cypress Hill aussi les Sonic Youth, voilà, enfin Dinosaur Junior et Delfunky dit Homo Sapien, enfin ce genre de truc vraiment improbable. Et puis là, on pousse le bouchon un petit peu plus loin et on va chercher du monde des gens de l'électro, plutôt du réduire, pur et dur, avec des gens du métal, principalement, même s'il y a des popes dedans, mais quand même des gens du métal. Ah, tu veux dire ce qu'on a fait début des années 2000. Voilà. Ce qu'on fait encore maintenant, d'ailleurs. Voilà, voilà, absolument. Et donc, c'est avec une réussite moyenne, le film est mauvais, et la BO est moyenne finalement, 5 sur 10, il fallait la coter pas beaucoup plus, parce qu'il y a des très très bonnes idées sur papier qui ne fonctionnent pas du tout. Par exemple, Moby et Bottle Surfer. Ouais, ça ouais. Ben voilà, on se dit, et Bottle Surfer soit allumé, Moby il va loin, il plane aussi. Le morceau est Tiny Rubber Band et est vraiment très mauvais, donc voilà. Par exemple, dans les choses absolument risibles, Metallica et DJ Spooky. Ouais. C'est absolument risible. Ça n'a aucun intérêt. Il y a évidemment des choses très attendues qui fonctionnent très bien. Stabbing Westward et Wink, forcément, ouais. Filter Crystal Method, forcément, ouais. C'est fait pour coller, il n'y a pas de problème. Probablement, à mon sens, le plus évident de tous, Slayer, Atari, Teenage Riot, évidemment. Ouais, encore là, c'est pas vraiment un mélange de... Ah, c'est avec Empire qui est venu mettre des blurps et des blips sur un morceau de Slayer, on est d'accord, mais voilà. Il y a des choses vraiment passionnantes et intéressantes, musicalement, qui planent bien au-dessus de tout ça, qui sont bien loin. Un ovni total, c'est la dernière plage forcément, comme souvent, Soul Coughing et Ronnie Size, A Plane Scrape Its Belly on Sooty Yellow Moon, rien que le titre, c'est une invitation. Et alors on a un mélange jazz vaporeux avec un drum and bass derrière, c'est quelque chose d'assez incroyable comme morceau, qui est, il est dur. Et dans les ratages aussi, on a Goldie Hawn et Rollins, où là la rencontre elle se fait pas non plus, bref c'est un petit peu dommage. Et puis il y a ce, pour moi qui sortait du lot, c'est pour ça que j'ai ouvert la chronique avec ça, le Orbital et Kirkhamet de Metallica, qui s'attaque à Satan, là, qui est vraiment un chouette mélange bien réussi, bien crossover, où chaque partie est respectée, ça marche bien. Il y a un groupe qui va faire probablement le morceau de sa vie avec Sneaker Pimp, c'est Marilyn Manson, Long Hard Road Out of Hell, qui est fantastique. C'est un vrai morceau de bravoure. Il y a un autre morceau de bravoure, c'est Prodigy Tom Morello pour One Man Army, qui fonctionne très très très bien. C'est normal aussi. Et puis il y a des plantages, bon, Silverchair et Vitro, ouais, c'est un petit peu trop poli pour être honnête, on va dire ça comme ça. Incubus DJ Griboy, non. Mais vraiment non. Parce qu'ils sont vraiment plus sur le même trip que Sol Coffing et Ronnie Size, en essayant de faire un truc un peu jazz planant comme ça, hein. Mm-hmm. Jazzcore planant, et puis ben non, ça se bouffe. Ça s'écrabouille complètement. Incubus Jazz, ça va pas trop ensemble. Ça ne marche pas très bien. Mansoon 88 State, bah c'est du Mansoon en gros, avec un beat électronique. Donc si vous aimez le genre, forcément, ça fonctionne. Bref, à boire et à manger. Pas toujours bien réussi, pas toujours bien senti, mais c'est amusant de réécouter ça 20 ans plus tard, puisque ça va fêter les 20 ans. Par contre, évitez de revoir le film, ça vous fait mal aux yeux. Ouais, sauf si vous avez du temps à perdre. Ouais, vous ou, voulez dormir, ou un grand moment d'humour à partager entre amis, pourquoi voilà, pas. C'est ça. Allez, on poursuit, on va en balancer un petit dernier. Je te laisse choisir, tiens, puisque c'est notre anniversaire. Voilà, entre Filter, Marilyn Manson, voilà, Orbital. Voilà, le premier. Filter, Crystal Method. Filter, Crystal Method. Ouais. Can You Trip Like I Do, qui est aussi dans la série des réussites. Bah ouais, là, c'est une réussite. I got the young girl standing

Nouveau. Yeah. Elle nous a eu. Ouais. Extrait de son dernier album Pharmacon. Ouais. Elle fête ses 10 ans chez Sacred Bones Records. Quelle belle leçon de fidélité quand même. Quand même. Son album s'appelle Contact. Ouais. Il sortira au mois début mars. Ouais. Voilà, donc bientôt. Et on écoutait No Natural Order. Bien. Ben dis-moi. Ça promet une belle sortie. Ça promet une fameuse sortie. Ouais, absolument. En parlant de sortie, l'album sort en février 2017, donc c'est maintenant le retour d'un duo qui est plutôt penché dans le post-rock, on va dire ça comme ça. L'album s'appelle Birth, Robot Orchestra qui revient. Ouais. Et ça sera déjà leur quatrième album, il me semble. Ça passe vite. Et on va écouter extrait de cet album, Death in Disguise, Robot Orchestra. We'll be right back.

et c'est bien fait pour vous. RQC. Le Centre Marius Taquet propose le 24e Reflet Mondial de la Photographie du 19 mars au 2 avril 2017. Moucron accueille à cette occasion plus de 2500 clichés issus du monde entier. Toutes ces photographies seront soumises à un jury qui sélectionnera les meilleures pour constituer une exposition présentée au public. 600 photographes dont les membres du Photoclub Artec participent à cet événement exceptionnel. L'expo convie la photographe belge Carole Deschuimer, photographe de la faune africaine en invité d'honneur. Renseignements auprès du Centre Culturel Marius Taquet par téléphone au 056 860 160. 056 860 160. Vernissage le 18 mars 2017 à 16h, auditorium André de Meyer au Staquet. Mais voilà dans les infos. Donc si vous savez pas quoi faire ce jour-là. Ouais, donc c'est au mois de mars et puis c'est avec Artec, donc ça vaut le coup hein, quand même, c'est toujours de la qualité évidemment, ils vont pas chercher n'importe qui comme photographe et puis on en reparlera bien sûr, puisque sachez que dans l'équipe de la radio, on a un animateur qui participe de près ou de loin à l'exposition, puisqu'il fait partie aussi du groupe Artec. Et ouais. Voilà. T'es multiple, hein ? Ça. Bon. Multiple talent à la radio. Multiple. Multiple. Allez, c'est l'heure. Ouais. C'est l'heure du morceau de Décroche. Mais. On va partir en 1970. C'est ça. Il y a quelques années. Et sur l'album Led Zeppelin Free. Ah, mais tiens. Bah oui. Donc Led Zeppelin, on va écouter Immigrant Song. Eh, hey, bah ouais, bam. J'avais envie. Et on peut déjà vous dire, quoi que vous fassiez, faites-le bien, sortez couverts, soyez prudents, et la semaine prochaine. Bonsoir. C'était la 300e. Ouais, bon yeah. Anniversaire. Et bon anniv. You see.